travers que d'amis. C'est la beauté du monde. On essaye. C'est la beauté. C'est la beauté. c'est la beauté du monde. Va falloir s'y faire. Comment? C'est la beauté. C'est la beauté. Thank you. Thank you.